recommencez 100 fois, ne vous en lassez pas. Je vous aime, oui, Tircis, je vous aime. Dieu roi qui sous vos pieds regardez tout le monde, pouvez-vous comparer votre bonheur au mien? Mais Phyllis, une pensée vient troubler ce doux transport. Un rival, oh, je le hais plus que la mort, et sa présence ainsi qu'à vous m'est un cruel supplice. Mais un père à ses voeux vous veut assujettir. Plutôt, plutôt, plutôt mourir que de jamais, que de jamais y consentir. Plutôt, plutôt mourir, plutôt mourir. Et que dit le père à tout cela? Il ne dit rien. Voilà un sot père que ce père-là de souffrir toutes ces sottises-là sans rien dire. Ah, mon amour. Non, voilà assez. Cette comédie-là est de fort mauvais exemple. Le berger Tircis est un impertinent et la bergère Phyllis une impudente de parler de la sorte devant son père. Montrez-moi ce papier. Ah, où sont donc les paroles que vous avez dites? Il n'y a là que de la musique écrite. Est-ce que vous ne savez pas, monsieur, qu'on a trouvé depuis peu l'invention d'écrire les paroles avec les notes même? Quand bien, je suis votre serviteur, monsieur. Jusqu'au revoir. Nous serions bien passés de votre impertinente opéra. J'ai cru vous divertir. Les sottises ne divertissent point. Ah, voici ma femme.